Lipounushka, conte. Il y avait une fois un vieux et une vieille qui n'avaient pas d'enfants. Le vieux alla travailler au champ et la vieille resta à la maison pour faire des crêpes. Tout en faisant ses crêpes, la vieille songeait. Si j'avais un fils, je porterais les crêpes à son père, mais par qui pourrais-je les envoyer? Tout à coup, d'un flocon d'étoupe sortit un petit garçon qui lui dit « Bonjour, maman !» Et la vieille demanda « D'où viens-tu, mon fils, et comment t'appelles-tu ? » Le petit garçon répondit « Toi, ma petite mère, tu as tillé l'étoupe, et c'est de là que je me suis formée. On m'appelle Lipounushka. Donne, petite mère, les crêpes, que je les porte au petit père. » La vieille reprit « Mais auras-tu la force de les porter, Lipounushka ?»« Oui, je les porterai bien, petite mère. » La vieille fit un paquet de crêpes, et le mit au petit garçon. Lipounushka prit le paquet et courut au champ. Sur la route, il trouva un tertre et se mit à crier. « petit père, aide-moi à passer ce tertre, je t'apporte des crêpes !» Le vieux se rendit à cet appel, aida l'enfant à franchir le tertre et lui dit « D'où viens-tu, mon fils ?» Et le gamin répondit « Mais, petit père, je suis formé dans l'étoupe. » Et il tendit les crêpes au père. Le vieux se mit à déjeuner et le gamin lui dit « Laisse-moi labourer, petit père. » Le vieux répondit « Mais tu n'auras pas de force de labourer. » Et Lipounushka prend la charrue et se met à labourer. Il travaille et il chante. Un barine passait près du champ. Il aperçut le vieux qui déjeunait tandis que le cheval labourait tout seul. Le barine descendit de voiture et dit au vieillard « Comment se fait-il, vieux, que ton cheval laboure tout seul ?» Et le vieux répondit « J'ai là un petit gamin qui le conduit, c'est lui que vous entendez chanter. » Le barine s'approcha et vit Lipounushka. Il dit alors « Vieux, vends-moi ce petit !» Et le vieux répondit « Non, je ne puis pas le vendre, car je n'ai que lui. » Lipounushka dit alors au vieillard « Vends-moi, petit père !» « Je te reviendrai. » Le moujik vendit donc l'enfant 100 roubles. Le barine paya, prit le gamin, l'enveloppa dans un foulard et le mit dans sa poche. Puis, en rentrant chez lui, il dit à sa femme « Je vais te faire un présent qui te causera une grande joie. » Il retirera le foulard de sa poche, le déplia et n'y trouva plus rien. Lipounushka s'était enfui chez son père depuis longtemps déjà.